Est-ce le qui décide? Mais que faut-il vraiment pour un autre que soi? On dirait que personne ne sait ça. On dirait que personne ne sait ça. Hey, baby, baby, qu'est-ce que tu fais ce soir? Hey, baby, baby, qu'est-ce que tu fais encore trop tard? Hey, baby, pourquoi pas aller te voir pour te niquer quelquefois? Et tu vois, tu veux pas encore une fois? Baby, baby, qu'est-ce que tu fais? T'as envie, est-ce que t'as envie? Baby, baby, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as envie de baiser? J'ai la trique bien dure et toi tu ne veux pas, même pas la voir cette fois, une fois, au moins la voir là devant toi. Qu'est-ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne la veux pas? Tu fais des pis à l'envie, tu fais des pis. Pourtant t'en as de jolis pis. Baby, baby, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as envie de me voir? J'ai la trique bien dure et toi t'as pas envie de la voir. Mais qu'est-ce que tu fais encore ce soir? Nu avec tes godes michées, ah, tu préfères les boules geisha, le truc là que tu mets dans l'anus bien profond, ah ça, le god miché ou le vibrato comme dans les années 70 là, avec le fil électrique comme il y a une lampe de chambre, mais non c'est pas une lampe de chambre, c'est le vibrato, le vrai, oui. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton vibro? Là, je pourrais venir te lécher, mais toi, tu veux pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu préfères te mettre des doigts? Non, mais c'est quoi? On dirait que je suis contaminé, que t'as pas envie de me la sucer. Un peu, tu vois, ça me ferait du bien. Une bonne pipe jusqu'au lendemain. Oh, moi, ton clito, si tu me le laissais, t'inquiète pas que je m'en occuperai. Oh ma coquine, tu préférais être toute seule avec tes vibros. Il fait des piles encore, comment ça? Ben oui, putain, j'arrête pas d'acheter des piles. Mais c'est pourquoi? C'est pour mon vibro, mon petit bonhomme. J'avais pas compris. Ah, je croyais que c'était pour le poste, la radio, mais non, non. C'est pour mon vibro. Ah, je me le mets bien profond. Et moi, je suis là, avec ma main, en train de me tenir le gourdin, et toi, tu veux pas venir me lécher le bout du sgeg en folie? Je deviens fou quand tu veux pas me la lécher un petit peu, me faire un peu bander avec tes strings et tes trucs, on sait même pas ce que c'est. Putain, c'est quoi toutes ces ficelles? Putain, ça sert vraiment à quoi? Moi, je veux ton cul et puis c'est tout, me la mettre. Te la mettre bien profond, et que ça y aille. Avec ton Durex Premium, ton Durex. Le gel lubrifiant qui sert vraiment. avec ce vieux Godmiché à tête rotative, ce gros machin de 15 cm de large, mon pauvre ami. Une boule, mon gars, avec un manche énorme. Putain, mais tu te dis, mais ça sert à quoi ce machin-là? C'est pour touiller les œufs, c'est pour faire des gâteaux. T'enlèves le bout, là, et tu mets une autre truc, et hop, c'est pour faire putain, pour battre les œufs en neige. Putain, mais c'est quoi ce machin? Non, c'est mon vibro. Attends, c'est avec cette grosse boule, là. Mets du gel. Toute la journée, moi je suis là, en train de me branler, chez moi, et toi t'es chez toi, en train de te masturber avec tes vibros, tes boules geisha, ton machin d'anal, avec je sais pas combien de boules, et quoi, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, ouya, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton tiroir, budé, je sais pas, mais il y en a un sacré tas, ton vibro, avec le vibro masseur, oui, machin, mais le vibro clitoridien, alors c'est-à-dire, comment expliquer ça? Donc, t'as comme une bite, hein, tout simplement, alors, qui ressemble à une bite, justement, qui tourne là, comme ça, et qui vibre, bon, plus un machin, là, qui va frotter le clito et qui vibre comme une petite languette. Et ça, c'est le Godmiché banal, banal, pas simple, toute simple, non, juste avec ce petit truc là qui sort sur le côté, là qui te vibre le clito, tu vois, qui te le fait vibrer tout en étant dans le vagin, quoi. Le reste est dans le vagin, et ça qui sort et qui te gratte le clito, ça c'est formidable, ça là, t'adores ça, ma coquine, hein. Et des boules de geisha dans le cul en plus, attends, deux grosses boules de presque 10 cm de diamètre, je peux te dire là. Au moins un, c'est super, hein. Avec le grand machin là, tout boursouflé, comme on pourrait dire, ça fait comme des boules qui s'enchaînent, hein, long de et ça y va, et voilà. Et puis quoi de plus là, un autre truc là qui s'enfile, hein. Ah oui, un plug anal, ah oui, le plug anal, oh super plug anal. Ah, non mais, et c'est quoi ce nouveau truc là? On peut plus baiser normal, hein? Oh, mais qu'est-ce que tu fais? T'es pas chez moi, t'es pas chez toi. Si t'es chez toi dans ton lit, t'es fait quoi? Et moi je suis là, en train de me branler à l'ancienne, en train de me faire chier, ouais, plutôt. Je regarde des films porno, je sais plus quoi faire, mais qu'est-ce que tu fais, toi? T'es toute seule, moi aussi, et toi, tu veux pas m'habiter? Oh, putain.